Donc après que l'auteur est évoqué en guise d'introduction, les mérites de la prière obligatoire, là, il rentre dans le vif du sujet, le sujet principal de cette risala, qui n'est autre que l'importance de la prière du Fajr. L'importance de la prière du Fajr. Donc il titre en guise de premier chapitre Al-Amru bi salat al-Fajr. Le fait que la prière du Fajr nous a été ordonnée. L'accomplissement de la prière du Fajr nous a été ordonné. قال الله سبحانه وتعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le surat Taha, patiente face à ce qu'il profère comme parole et glorifie la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et après sa disparition. طيب فقبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر كما سيأتي التصريح به في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne la partie du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit avant le lever du soleil, ça sous-entend la prière du Fajr. Comme cela est venu dans un hadith d'une manière explicite. Le hadith de Jarir, et il va venir un peu plus loin dans le livre. Naam. Thumma qala, wa qala ta'ala, wa aqimi s-salata li duluki shamsi ila ghasiqi l-layl wa qur'an al-fajr. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Et accomplis la prière lorsque le soleil apparaît jusqu'à sa dissipation dans la nuit. Du coucher du soleil jusqu'à sa dissipation dans la nuit. Ensuite, il dit « وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا » et accomplit la lecture du Coran durant le temps du Fajr, car certes, la lecture du Coran pendant le Fajr est assistée, est une lecture qui est « مَشْهُودًا » يعني témoin. Comment je pourrais le traduire, Yahouan? Hein, Ahmed? Yani, c'est une lecture où assisté. Hein. C'est ça. C'est une lecture qui est assistée. Et on va voir, yani, qu'est-ce que ça signifie, une lecture assistée. يعني ثم قال أي أقم القرآن الفجر معطوف على أقم الصلاة. نعم. أي فعليك قرآن الفجر والمراد صلاة الفجر. وعبر عن الصلاة بالقراءة لأنها بعضها ولا تصح إلا بها. Donc là quand Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'accomplir ou d'établir le Coran du Fajr, c'est-à-dire accomplissez et établissez la prière du Fajr. Et il a évoqué la lecture du Coran parce que la prière n'est pas valable et n'est pas acceptée si ce n'est avec la lecture du Coran. La lecture de quelle surat, Yahouan ? D'Al-Fatiha. Naam. Donc là il nous a cité combien de versets qui nous affirment l'obligation de prier la prière du Fajr? Hein? Combien de versets on a cité là? Deux. Ah, Ahmed. Deux. Tu te rappelles de... c'est lesquels? اين نعم هذا في سورة طه والحديث الشمس نعم احسنت فهذا هذين او هاتين الايتان دليلا على ان الامر بصلاة الفجر واردة في الكتاب في القرآن وكذلك قوله تعالى وأقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال يعني بعض المفسرين في أحد طرفي النهار صلاة الصبح لا dans ce verset de sourate Hud Allah subhanahu wa ta'ala dit où il nous ordonne, où il ordonne au prophète alayhi salatu wasalam, d'accomplir la prière au début de sa journée. Le mot au début de sa journée, il indique quelle prière, Yahwan ? La prière du Fajr, la prière du Subh. Fafil aya al-amr bi iqamatiha. Wa siyati min al-adilla al-kathir kulluha ta'mur wa tahuddu an ou ala shuhudiha. طيب ثم قال اسمها يعني parmi les noms de la prière du Fajr قال الإمام ابن رجب رحمه الله صلاة الفجر تسمى صلاة الفجر la prière du Fajr elle a pour nom la prière du Fajr تمام قال تعالى من قبل صلاة الفجر من قبل صلاة الفجر في أي سورة من قبل صلاة الفجر هذا ما تجده إلا في سورة أيوة سورة النور نعم نعم من قبل صلاة الفجر طيب donc Allah سبحانه وتعالى il a nommé cette prière explicitement comme étant صلاة الفجر وتسمى صلاة الصبح والأحاديث بذلك كثيرة donc la prière du Fajr on peut dire on peut l'appeler صلاه الفجر وصلاه الصبح وقال الامام الشافعي رحمه الله ولا احب ان تسمى صلاه الغداء صلاه الغداء الامام الشافعي il détestait appeler la prière du fajr صلاه الغداء وهل الامر كما يقول est-ce qu'on peut dire de la salat de la prière du fajr Est-ce qu'on peut l'appeler Salat al-Ghada Hein Eh, n'aim. Ja fi hadith. Wa kana la yanfatilu min Salat al-Ghada hatta ya'rifu jalisahu. Hatta ya'rifu jalisahu. Hatta ya'rifa jalisahu. Tayyib. Donc là, l'imam Shafi'i dit qu'il il détestait appeler la prière du Fajr Salat al-Ghada. Lakin, هناك دليل تدل على أنها سميت كذلك في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بأس. Donc la Salat al-Fajr, elle a trois appellations. Salat al-Fajr, Salat al-Subh, wa Salat ماذا? Al-Ghada. Salat al-Ghada. طيب. طيب. Ensuite, il passe à un autre chapitre. Et il dit, فضائل صلاة الصبح. صلاة الفجر. وقد ورد في الكتاب والسنة ما يدل على فضيلة هذه الصلاة. ومن ذلك أقسم الله بها في كتابه الكريم. قال الله تعالى, والفجر. والفجر. طيب. Parmi les preuves du grand mérite de cette prière, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par celle-ci. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par celle-ci. Wal fajr, المقسم به في هذه الآية هو الفجر المعروف وهو الصبح في قول جمهور المفسرين. طيب dans la sourate Al-Fajr, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par jurer Wal-Fajr. La plupart des savants du Coran, ils disent que lorsqu'ils jurent par le Fajr, c'est par le moment, le temps qu'on appelle l'aube. Tamam? Donc c'est comme s'ils juraient par l'aube. Taïb? Ça c'est l'avis de la plupart ou la majorité des savants du Coran. وفي هذا الوقت تقع صلاة الفجر. Et c'est dans ce temps-là, c'est-à-dire à l'aube, que s'accomplit la prière du Fajr. فتضمن القسم بالفجر القسم بها لأنها صلاة فاضلة. Donc le fait qu'il jure par l'aube, ça englobe aussi le fait qu'il jure par la prière, parce que c'est une prière qui s'effectue dans ce temps-là. Et c'est une prière de grand mérite. Mu'adhama. ولعل هذا مراد من فسر الآية بصلاة الفجر من المفسرين. Et certains savants ont expliqué que le Fajr par lequel Allah subhanahu wa ta'ala il a juré dans le verset, ce n'est pas l'eau, mais c'est bel et bien la prière du Fajr. على كل حال كلا القولان صحيحان. نعم. طيب. Et un autre des mérites de cette prière, et on termine sur ça, c'est que c'est une prière يشهدها الملائكة. C'est une prière qui est assistée, comme on a dit tout à l'heure, c'est une prière qui est assistée par qui? Par les anges. Par les anges. قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ذكر جمهور المفسرين أن الملائكة تشهد صلاة الفجر وقد جاء مصرحا به في الأحاديث. نعم. Donc le Coran du la lecture du Coran qui est assistée, elle est assistée par les anges. Ça veut dire à chaque fois que la personne vient prier la prière du Fajr en groupe à la mosquée, alors qu'il sache que les anges sont présents dans cette mosquée lorsque lui s'y trouve pour accomplir cette grande adoration. Et ceci est confirmé par plusieurs hadiths. On va en prendre un. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل أو نعم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. Donc le hadith d'Abi Huraira où le prophète عليه الصلاة والسلام dit les anges se remplacent de nuit comme de jour. Ils se regroupent durant la prière du Fajr et durant la prière du Asr. Ça veut dire les deux prières qui sont assistées par les malaïkas. Les deux prières de la journée sont la prière du Fajr et la prière du Asr. Et ceux qui sont restés avec les serviteurs durant la nuit, ils vont remonter au ciel pour laisser place à d'autres anges qui vont rester avec le serviteur jusqu'au lendemain. Donc, lorsque ceux qui remontent au ciel arrivent à l'endroit du ciel où Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'ils arrivent, Allah subhanahu wa ta'ala les interroge et leur dit et leur demande comment avez-vous laissé mes serviteurs? Comment avez-vous laissé mes serviteurs? Et les anges de dire et de répondre, nous les avons laissés en prière et nous les avons trouvés en prière. Parce que quand ils sont venus, ils sont venus pendant une salat. Et quand ils sont repartis pendant une prière, soit le Fajr, soit l'Asr. نعم. فمع هذا نقول كيف تطيب نفس المؤمن أن يسأل عنه عند ربه وهو غائب عن حضور الجماعة فهذا لا يليق به. Donc si on comprend ce genre de hadith, on comprend de surcroît qu'il est important pour le serviteur qu'on ne questionne pas les anges lorsqu'ils remontent vers leur Seigneur, qu'on ne les questionne pas sur sa situation, alors que lui, ni il a assisté à la prière en groupe, et ni on l'a trouvé en priant en groupe. Non. Ni il a assisté à la prière, ni on l'a, c'est-à-dire les anges, ils ont quitté cet individu alors qu'il était en prière, et ni ils l'ont trouvé en prière. C'est pourquoi le fait de délaisser la prière en groupe à la mosquée est une khatar. C'est un danger énorme. C'est un danger énorme. Naam. Wa inshallah ghadan nuwasil fi qira'at hadha al-kitab. ونكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا